Le tâcheron de l'abattoir revient trop tôt de son boulot. Le chat se cambre sur une pierre chaude. La canette abîmée roule et manque le caniveau. Le tourbillon des feuilles mime au ras du sol la première danse d'octobre. Les odeurs de coton humide entourent une lessive lente à sécher. Le rose violent sur les nuages distrait une pute à vélo. Les lignes d'une barre d'immeubles sont des cimaises pour des photos. Le tâcheron de l'abattoir sort trop vite de son studio. Le carré des HLM rend fou ceux qui ne baissent plus le lundi. Les éboueurs oublient encore les trois poubelles en haut de la montée. Le bus dépasse l'arrêt. Sans ralentir, les enfants éclatent. Les coins sombres de la rue, l'enseigne du fast-food est démontée depuis hier. Les réverbères s'allument, mais l'éclairage est un peu faible. Les morceaux d'un jeune homme blond sont enfouis dans les poubelles. Le cocu de l'abattoir a conclu un peu trop vite.